Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, en rediffusion, des nouvelles de Guyane, une série de Nejma Bouakra réalisée par Diffie Mariani en 2013. Au départ de cette série, il y a une portion d'Amérique du Sud, une région française en Amazonie, une terre bordée par la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, un département français qui est aussi une forêt partagée avec le Brésil et le Suriname. Il y a la Guyane avec ses identités et ses langues qui racontent une histoire, celle de l'esclavage, du bagne et de la colonisation, de mauvais souvenirs qui laissent des traces, et puis aussi depuis une semaine la contestation sociale contre les retards structurels et l'abandon pour demander un véritable accès à l'énergie, l'école, la santé, la sécurité et au travail. Et la certitude qu'il faut réécouter ce qui se dit pourtant depuis longtemps. Alors pour commencer, les personnages. Un directeur d'école qui y croit, un piroguier qui ne passe pas, une petite fille qui se lève tôt, des femmes presque sans hommes, une professeure dévouée à sa cause, des enfants qui parlent plusieurs langues. Ensuite le décor, un bureau rempli de vélos et de tambourins, Saint-Laurent du Maroni, des écoles qui fatiguent, le français pour tout le monde, des poésies en chœur, la langue de la maison, un système scolaire au rabais et un générateur. Aujourd'hui, deuxième épisode, on chante à tue-tête. L'enfant qui a la tête en l'air, si on se détourne, il s'envole. Il faudrait une main de fer pour le retenir à l'école. L'enfant qui a la tête en l'air, ne le quittez pas des yeux, car dès qu'il n'a plus rien à faire, il caracole dans les cieux. L'école au gré des langues. Il donne beaucoup de soucis à ses parents et ses mères. En le voyant, il est ici, n'apparaît que pour disparaître. Notre société manque d'infrastructures sanitaires, sociales, embryonnaires, voire inexistantes. Jean Momou. Les écoles sont sous-équipées, il n'y a pas d'électricité, des biens de commodité manquent. Nous continuons à nous éclairer à la lumière de bougies et de lampes à pétrole à l'aube du 21e siècle. Nous sommes les oubliés de la France, monsieur le président. Ce jeune homme qui interpelle Jacques Chirac a 17 ans. Quelques lunes plus tôt, une jeunesse frondeuse a agité la Guyane, provoquant un climat quasi insurrectionnel. L'étincelle, le refus de scolariser près de 5000 élèves pour des raisons matérielles, avançait-on. Évidemment, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. C'est difficile de dire « on s'éclaire à la bougie », mais d'une certaine manière, l'école en Guyane continue à manquer d'infrastructures, on manque de compétences. Donc, de fait, on est plutôt dans la continuité. Ce qui n'a pas changé, c'est ce qu'on pourrait appeler l'échec scolaire, mais qui n'est pas forcément un terme que j'apprécie. En tout cas, c'est le fait qu'une majorité d'enfants, plus de 56%, sort du système scolaire sans diplôme. Dans la classe s'enferme, puisque j'ai une information importante à vous faire passer. N'est-ce pas, Julio ? Les chiffres, c'est pas très beau, mais combien d'enfants sortent du système scolaire après l'école primaire ? Je n'ai pas du tout les chiffres en tête, mais je sais qu'il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Très peu réussissent. Très peu vont jusqu'au bac. Très peu poursuivent après le bac. Très peu passent des concours. Je sais que... Il y a quelque chose à faire, il y a du travail à faire, mais moi, mon rôle vraiment, c'est accueillir mes élèves dans ma classe et enseigner. Je m'interdis de penser à ce qui va leur arriver plus tard. Ce serait vraiment trop démoralisant pour moi. Je connais les difficultés qu'on rencontre en Guyane, je connais les problèmes de chacun. Et sincèrement, quand je m'entretiens avec les familles, Je leur dis toujours, cette année, je m'occupe de vos enfants, je vous guiderai, je vous dirai ce qu'il y a à savoir pendant l'année scolaire de vos enfants, mais plus tard, ce ne sera plus à moi de le faire. Donc, mon père disait une chose, que quand on décide de scolariser un enfant bushinengué, il faut avoir autant de souffle que quand on le met au monde. C'est ce qu'il disait, toujours. Alors c'est sûr que quand on tombe, on a la chance de tomber sur une personne locutrice de la culture et de la langue, c'est parfait. On se repose sur cette personne et on lui laisse, on lui dit voilà, on te fait confiance, à toi de prendre le relais. Et c'est vous. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai accompli cette année. Aline Awenkina, comme Jean Momou, appartient à la première génération d'enseignants bushinengue, littéralement « hommes de la forêt », ces communautés d'esclaves en fuite ayant vécu du marronnage. Aujourd'hui, ces populations descendent du fleuve le Maroni, long de 520 km, qui sépare la Guyane du Suriname, afin de bénéficier des infrastructures de la ville. À Saint-Laurent-du-Maroni, en 10 ans, la population a augmenté de 94%, passant de 32 000 à 62 000 habitants. 35% de la population a moins de 15 ans, une école par an pourrait être créée pour répondre à la pression démographique. Le directeur de l'école Saint-Émilien, Bernard Acanière, a choisi d'inscrire, sans restriction de papier, de langue et de rive, les enfants du fleuve. Bonjour, bienvenue dans mon bureau, bureau du directeur, vous voyez, des vélos. Faites attention aux tambours, hein, parce qu'ils sont en plein milieu. Donc oui, on a des conditions, il est tout petit mon bureau, hein, il fait combien? Il doit faire 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, et c'est la moitié du matériel de l'école qui se trouve dans mon bureau, parce que c'est le seul local qui est sécurisé. Donc vous voyez, on a une armoire blindée, on a des grilles aux fenêtres, des grilles à la porte. Donc voilà pourquoi il y a tout ce matériel dans mon bureau, quoi. On a un peu l'impression d'être au dépôt. Ouais, c'est le dépôt de l'école, ouais, c'est exactement cela. Ouais. C'est la réserve, mais c'est aussi le bureau du directeur. Ici à Saint-Laurent et en Guyane en général, il y a de très très grosses écoles. Vous voyez mon école par exemple, ce sont des bungalows. Alors 22 bungalows, ce sont essentiellement des classes, il y a 19 classes. 19 classes, un bureau du directeur, un bureau pour le personnel municipal. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle informatique, il y a 19 classes. Le strict minimum. Le strict minimum pour faire la classe, ouais, tout à fait. Un toit. Voilà, un toit, des murs, et puis des tables et des chaises pour s'asseoir. Et des enseignants. Et puis des enseignants et des enfants. Donc c'est une école de 400 élèves. Donc c'est les premières années, il y avait des climatisations. Là, on n'a plus du tout de climatisation. Donc dans les bungalows, il fait des 30 à 32 degrés. Et alors non seulement donc, la journée est longue, mais en plus, les conditions de travail des élèves comme des personnels est très difficile. Donc forcément, il n'est pas rare de rentrer dans une classe et de voir des enfants s'endormir et dormir. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a aussi des enseignants, mais les enseignants aussi sont fatigués à la fin de leur journée de travail. Quoi. Oui, ma chérie. La mère, quand je n'ai pas là, on n'a pas travail pour faire. Bon, je m'en occupe, j'arrive. Ça va être... On n'a pas de travail pour faire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle veut dire qu'il n'y a pas de maîtresse pour travailler, quoi. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'elle est partie Bernard Racanière. Oui. À quelle heure on commence l'école ici? Alors, à Saint-Laurent-du-Maroni, la classe commence à 7h30. De 7h30 à 12h45. Donc, c'est la journée continue, on appelle ça la journée continue. Ça signifie que les enfants travaillent non-stop, donc de 7h30 à 12h45. Et il y a deux récréations. Donc là, c'est la première récréation de 9h15 à 9h30 et une deuxième récréation donc à 11h, de 11h à 11h15. Qu'est-ce que cela signifie pour les enfants? Ben, ça signifie une grosse fatigue, puisqu'on va au bout de 3 heures de classe, 3 heures, 4 heures de classe, eh bien, la tension faiblit beaucoup. Donc c'est un système qui est très pervers par rapport à l'éducation des élèves ici. Alors la municipalité et les enseignants de l'époque savent, 19 ans, hein, ça fait 19 ans que ça fonctionne comme ça, l'a mis en place parce qu'on a supprimé la cantine, donc il n'y a pas de restauration scolaire ici, et que comme il y a beaucoup de transports, ça simplifie les choses pour déplacer les enfants. Mais au niveau éducatif, évidemment, c'est très mauvais. Qu'est-ce que ça provoque? Beaucoup de fatigue. Alors déjà que nous avons des élèves qui ne sont pas francophones, donc il y a beaucoup de problèmes de langage. On massifie l'enseignement, c'est-à-dire que nous travaillons du lundi jusqu'au vendredi, on travaille le mercredi matin, et ça massifie l'enseignement tous les jours, c'est-à-dire 5h15 de classe non-stop, 5 jours par semaine, c'est très fatigant pour les enfants. Ouvre-moi la porte, couplet alors. On essaye ? Oui. On y va. Donc, je suis née ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, d'une maman d'origine Dioka, donc Bushinengue, et d'un papa, pareil, d'origine Dioka, Bushinengue. Donc je suis vraiment une femme d'origine Bushinengue. Mon père était un chef de famille, vraiment un chef de clan, qui avait sous son commandement, une centaine de personnes. Alors, c'est quelqu'un qui vient du fleuve, qui a décidé d'émigrer ici, parce que sur le fleuve, il avait du mal à faire pousser de quoi nourrir sa famille dans les abatis. C'est-à-dire que la terre n'était plus fertile. Alors, il employait toujours une expression, « Je viens vers le monde civilisé pour chercher du sel. » Que le sel, c'est très important. Dans son village, quand on rentrait dans son village, on rentrait vraiment dans le monde Bushinengue. Il y a des règles propres à cette culture. Quand on quittait le village, on mettait le pied dans le monde de la culture occidentale. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réussi à nous inculquer. C'était comme ça. Et puis quand il réglait les conflits au village, il arrivait toujours à régler les conflits avant le stade de la violence. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire aussi en classe. Ça me vient de là. Alors, on s'étonne pourquoi les enfants ne se mettent pas dans ma classe. C'est parce que je ne laisse pas faire. J'ai trouvé un moyen vraiment de régler les conflits avant le stade de la violence. Aline Awenkina, vous enseignez en cours en quelle langue ? Alors, j'enseigne en classe principalement en français. J'entends par là que je n'utilise pas ma langue maternelle, c'est-à-dire le Dioka. D'ailleurs, comme toute autre langue bushinengue, pour enseigner. Mais, en revanche, je m'appuie beaucoup sur la culture d'origine des enfants. C'est-à-dire la culture bushinengue ou amérindienne. Alors, les élèves de maîtresse Mildred qui sont arrivés, vous allez devoir rester assis par terre parce que je n'ai plus de place dans la classe pour vous. D'accord ? Est-ce que c'est compris ? Quand vous attendez comme ça, tous les deux, vous parlez quelle langue tous les deux ? Taki taki. Vous répondez à la maîtresse en quelle langue ? Français. Alors, où avez-vous placé les joueurs ? Moi, j'aime parler français parce que quand on est à l'école, on parle pas bushinengue. On parle français. Mais là, tous les deux à la fenêtre, vous parlez quelle langue ? Taki taki. Allez-y à votre place. Le groupe de Rano, rapidement. Les enfants vous répondent en français, mais parfois, entre eux, ils discutent dans leur langue. Oui, ils discutent souvent dans leur langue. Alors, ils discutent dans leur langue à des moments quand même assez précis. Quand la classe est à l'écoute, c'est le français, pour que tout le monde puisse participer à l'activité. On utilise le français, la langue de l'école, de l'enseignement. Mais vous ne leur dites pas, tu ne parles pas dans ta langue maternelle ? Pas du tout. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Et je pense que ce serait une erreur d'interdire à un enfant de parler dans sa langue maternelle. Dévaloriser la langue maternelle de l'enfant, c'est compliquer l'enseignement du langage à cet enfant. C'est exactement ça. Pourquoi interdire à un enfant de s'exprimer dans sa langue, alors que si l'enfant le fait, c'est parce qu'il ressent le besoin. Et l'adulte qui est devant l'enfant n'a pas forcément raison, n'a pas tout, ne détient pas le savoir. L'adulte qui est face à l'enfant véhicule des connaissances, transmet des connaissances, mais personne ne détient le savoir. Et vous entendez le bonheur parfois de parler dans sa langue, et puis l'effort quelquefois, ça coûte de passer dans une autre langue, ça coûte ou c'est un plaisir ? Alors, en tant qu'enseignante, pour moi c'est un vrai plaisir, parce que je sais par où ils sont en train de passer en ce moment, je suis passée par là. Et quand un élève arrive à me produire une phrase complexe, je lui dis toujours « je suis fière de toi ». Ça, c'est quelque chose que je vais toujours complimenter. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin parce qu'il faut un effort considérable. On poursuit avec Mehdi. Un monsieur part toutes les nuits pour voler dans les maisons. D'accord, c'est mieux. Continue avec Tatiana. Et ce monsieur se déplace sur les toits des maisons. Oui, on continue avec Alexandra. Et c'est le chat qui vérifie s'il n'y a pas de danger. Il vole des bijoux, puis le chat rentre chez lui. Est-ce que vous racontez aux enfants différemment l'histoire de la Guyane parce que vous-même, vous êtes d'origine Djouka? Pour raconter l'histoire de la Guyane, je fais appel à des intervenants. Donc je demande à des parents d'origine amérindienne de venir et des parents d'origine bushinengue. Parce qu'au fait, je suis ici en tant qu'enseignante, mais je ne peux pas prétendre être l'aînée, si vous voulez, me substituer à la place de l'ancien chez chaque enfant bushinengue. Ça, c'est très important. La transmission de savoir se fait vraiment, on va dire, de façon héréditaire. Je ne peux pas me substituer à l'ancien de chez l'élève et lui dire, voilà, c'est moi qu'il faut écouter et non pas les anciens de chez toi. Ce serait vraiment une erreur à ne pas commettre. C'est la raison pour laquelle je demande aux parents de venir, en quelque sorte, appuyer ce que je dis aux enfants. Je laisse le parent libre de raconter son histoire, sa façon de voir les choses aux enfants. Je dis, voilà, chez moi, on nous a appris ça. Chez nous, on nous a appris ça. Chez les Amérindiens, eh bien, on nous a appris ça. Les enfants ont fait émerger beaucoup de similitudes entre la culture amérindienne et la culture bushinengue. Donc la culture de la bâtie, la fabrication des pirogues, la fabrication des maisons, des carbets, les contes, la place du conte dans la société, l'éducation des enfants, la place de l'enfant dans la société bushinengue amérindienne. Il y a très peu de barrière entre ces deux cultures. Voici la ligne du temps, les enfants. Vous vous souvenez, on avait construit la ligne du temps ensemble. Alors, regardez un petit peu votre texte. Dites-moi à quel temps on avait raconté cette histoire. Au présent. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le présent? Parce que ça se passe maintenant. Alors, au départ, je n'avais pas de classe homogène. Mais culturellement, ma classe, on peut dire qu'elle est assez homogène quand même. Elle est à la fois complètement cosmopolite et totalement homogène. C'est étonnant. Alors, il faut savoir qu'en Guyane et surtout à Saint-Laurent, il existe plusieurs communautés qui vivent les unes à côté de l'autre, mais avec ses règles propres. C'est-à-dire que pendant l'esclavage, pendant le marronnage plutôt, quand les bushinengue, les premiers esclaves, ont fui des plantations, ils ont été accueillis sur le fleuve d'abord par des Amérindiens. Donc il faut savoir que les esclaves venaient d'Afrique, donc ils ne connaissaient pas l'environnement guyanais, le paysage guyanais, la forêt, ils ne connaissaient pas. Donc ils ont appris à fabriquer les tamis, les carbets, les pirogues, à utiliser les bois. Et je pense que ce lien vient de là. D'ailleurs, sur le fleuve, si je prends l'exemple de mon père, quand il rentrait dans un village amérindien, il rentrait comme un capitaine. Je veux dire, il était reconnu comme un chef. Il allait voir ses pères. Et c'est vraiment, on sentait qu'il y avait de la complicité entre ces deux peuples. Alors, vous êtes prêts? Oui. Laissez de l'espace entre vous. De Mendelo, de Victor Hugo. De Mendelo, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur je marcherai les voies rouges et en sans la colline, le son courbé, le même pas d'esprit, et le nom pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or, ni soir, ni l'or, ni les voiles d'eau, ni son verre à fleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tente un bouquet de houverts et des bouillards en fleurs. Victor Hugo. Est-ce qu'il y a un temps qui est plus difficile à comprendre pour les enfants? Dans la langue Djouka, l'expression du temps est assez complexe. C'est surtout le temps absolu, le mode qui prime. Qu'est-ce que c'est un temps absolu? Le temps absolu, c'est le temps qu'on utilise pour raconter les événements. Dans cette culture, il existe par exemple qu'une seule fête traditionnelle, qui est le jour de l'an. le calendrier, si vous voulez, on se repère par rapport au temps qui passe, en se basant sur les différentes apparitions de la Lune. On va compter en lune. Première lune après le jour de l'an, puisque c'est vraiment l'unique fête traditionnelle qui existe. Donc première lune après le jour de l'an, ça correspond au mois de janvier. Deuxième lune après le jour de l'an, ça correspondra au mois de février. Troisième lune, et ainsi de suite. Ou alors, aux différentes saisons, donc saison de pluie, saison sèche, ou aux différentes marées, le temps des grandes eaux et le temps des eaux basses. Il y a ce qu'on appelle des présents de vérité pour nous. Ce qui ne change pas, ce qui est invariable. Donc la marque du présent, elle n'est pas vraiment concrète. C'est vraiment l'idée de présent, mais on parle de vérité, au fait. Mais Marina, quand on est entre amis, on parle bushinengi. Des fois français. Et dans cette groupe, on est la groupe des tigresses. Oui, moi, je suis la tigresse. C'est un nom de notre groupe parce qu'on aime bien être en équipe. On aime trop parler entre nous des secrets. En il y a des mini tigresses, ce sont les plus petits. Oui, on aime danser un peu. Peut-être qu'on va danser pour la fin de l'année. CM2 et CM2A, c'est la classe de maître Inver. Il t'aille des brillants, Gimmy. Il fait que t'es des brillants fous. On a des plumes. On a faute. Tous ces enfants, ils ne rentrent pas toujours dans leur famille. Dans leur famille, tel qu'on s'imagine, nous, non. Parce qu'ils sont chez une tante, ils sont chez une grand-mère, ils sont chez un tonton. Parce que la famille est sur le fleuve, parce que la famille est au Suriname. Et que pour être scolarisé, les mamans les envoient ici à Saint-Laurent-du-Maronnier. Et puis bon, comme il y a de nombreuses familles, enfin c'est des familles nombreuses ici, hein, donc c'est souvent les grandes sœurs ou les grands frères qui s'occupent des plus petits. Et à un moment donné, eux aussi vont s'occuper des plus jeunes, puisque à l'école maternelle par exemple, c'est les élèves de mon école qui les amènent à l'école maternelle, qui vont les chercher après, qui les ramènent à la maison. Non, ils sont responsabilisés. Hein. Ça change quoi en termes d'apprentissage ? Je ne sais pas, parce que on peut pas penser. Enfin, je ne crois pas, moi, dans mon expérience que j'ai depuis 10 ans de Guyane, je ne crois pas que ce soit un plus pour eux dans les apprentissages. Parce qu'au contraire, quand ils arrivent à l'école, ils sont déjà fatigués parce qu'ils ont déjà fait la vaisselle, ils ont déjà fait le ménage, nettoyé la maison. Ils repartent à la maison. On a le cas, par exemple, d'enfants qui ne venaient pas à l'école parce qu'ils sont obligés de s'occuper du petit frère ou du bébé à la maison. Et du coup, ils ne viennent pas à l'école. Donc, on est obligé, des fois, de me montrer un peu les dents pour que les enfants viennent à l'école. Parce que sinon, ils resteraient à la maison 2 jours par semaine pour s'occuper des plus petits. Quoi. Donc on a un absentéisme assez important à cause de ça. Vous, Bernard Lacanière, vous allez chercher les enfants un par un, et en amont du fleuve. Oh, on va pas les chercher un par un, mais il m'est arrivé d'envoyer la police municipale. Si au bout d'une semaine, un enfant ne s'est pas présenté à l'école, on va dans les familles. Oui, moi, j'ai des collègues qui vont dans les familles. Moi, j'y suis allé aussi, où on envoie la police municipale. Tout à fait. Parce qu'une des priorités du rectorat ici en Guyane, c'est la scolarisation et c'est la lutte contre l'absentéisme lourd. Donc, oui, on va voir ce qui se passe. Quoi. Pas si facile de débusquer les enfants le long de ce fleuve sinueux où toute plage de sable clair peut indiquer un dégras, un coin de pêche ou un campou abandonné, ces quelques habitations de bois qui se confondent au feuillage dense de la forêt amazonienne. Direction l'île Portal, pour moitié française, pour moitié surinamaise. Une petite communauté de femmes vit là, à l'abri des indiscrets, dans une autonomie frugale, sous 5 toits de tôle. Jean, médiateur de langue, nous accompagne. Il fait la navette entre les familles et l'école. En fait, a priori, la pirogue n'est pas venue chercher les enfants ce matin. S'il est malade, il n'y a personne qui peut remplacer le pirogue, en fait. Donc, le pirogue ne peut pas venir chercher les enfants. Donc, les enfants sont absents. Donc il espère que demain matin, il va venir chercher l'enfant très tôt, quoi. Donc, c'est la maman de Priscilla qui est là. Bonjour. Mako. Il y a des problèmes de Yabikabana, là, où il passe. Donc, en fait, les pirogues ne passent pas tous les temps, quoi. En fait, il y a des fois, ils viennent, des fois, il y a des moments qu'ils ne viennent pas, quoi. Papi. Ça va, Priscilla? Oui. Piqué, non? Oui. Aujourd'hui, je voulais aller à l'école et j'ai attendu le pirogue et le pirogue n'est pas passé. Ça arrive souvent que la pirogue ne passe pas. Qu'est-ce que tu as dit? C'est la première fois? Non. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais alors quand tu ne peux pas aller à l'école? Je pleure. Quand je ne vais pas à l'école, Quand je ne vais pas à l'école, alors je suis toute seule et je joue avec ma poupée. Quand je ne vais pas à l'école, j'aide ma mère à faire la vaisselle, la lessive et je promène ma petite sœur. Elle a quel âge, ta petite sœur? Elle n'a pas d'âge. Ça arrive très souvent que le pirogue ne vienne pas? Oui. C'est le chef de lundi, il n'y a pas. Souvent, il ne vient pas le lundi. Il a dit, le monsieur ne donne pas d'huile. Après tout, c'est le mardi, il vient chercher nous. Aujourd'hui, si je suis à Bika, à Jiabegua, à Guasola, à Godanchi, à Begua, à Ndéjose, à Danchi, à Dingen Sopi. Le perruquier n'est pas venu nous chercher ce matin parce qu'il a été à une veillée, donc à un décès d'une personne. C'est toute la nuit, il a bu, il s'est saoulé, donc il n'est pas venu nous chercher ce matin. Mesdames, il n'y a pas beaucoup d'hommes hein, avec nous. Oui, on a abimasra. Nous n'avons pas de mari, nous sommes des femmes célibataires. Vous êtes combien là sur ce petit village de l'île Portal? Nous habitons sur l'île Portal. Notre village n'a pas forcément de nom. Et il y a 5 maisons dans notre village. De par village, il n'y a qu'un générateur. Nous nous entraînons comme ça. Tous les matins, il faut allumer le générateur. Et si on n'a pas d'essence, ben, on est embêté. Donc, tu veux go à Gouron, ou prendre à la Sani. Nous, les femmes, pour planter la bâtie, nous faisons appel à quelqu'un pour nous couper. et nettoyer la bâtie. Par la suite, nous plantons les légumes, les fruits, les pastèques, le manioc. Qu'est-ce que c'est un abati? La bâtisse, c'est en fait la forêt que nous déboisons. Nous coupons les arbres et c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui ont eu des accidents, qui ont laissé leur vie par la suite d'un arbre qui leur est tombé dessus. Et donc, comme c'est dans la forêt, c'est très dangereux. Il y a des serpents. Et donc, c'est un travail très difficile. Beaucoup de femmes conduisent les pirogues. Oui, toutes les femmes, même si les petits garçons ici conduisent aussi la pirogue. Ma mère, elle a 64 ans, elle conduit aussi la pirogue. 74 ans, ma mère, là. Oui, 74. Ma mère conduit la pirogue, ma nièce, ma tante, moi j'ai mon permis B. Qu'est-ce qui boule là-bas les enfants là? Je vois une immense marmite. On la va avec. Oui. Pour aller à l'école. Comment le guache quoi? Guache guache quoi? T'es mon soubé. On fait bouillir de l'eau dans une grosse marmite le matin. Parce qu'il fait froid. Et donc nous lavons à l'eau chaude. On lave le linge dans la marmite et les corps. On brosse le dos aussi. On lave avec savon. On brosse la dent. Après, quand on a fini de laver, on va prendre votre serviette. Après, on va mettre votre vêtement pour aller à l'école. Après, on met du crème. Après, on met du parfum. Après, on met votre sac cartable. Après, on prend votre gilet et votre parapluie. On mange aussi. On ne sait pas si le pirogue va passer. Migado bungi mi fankali benda, fankali benda, fankali benda. Migado bungi mi, adede na kres, pay mi free, pay mi sondula, kali benda, fami kali benda, fami kali benda. Migado bungi mi, gado bungi. Migado bungi mi, famikali benda, famikali benda, famikali benda, migado bungi mi. Elles viennent de vous chanter une chanson religieuse. En fait, Dieu, il est bon pour nous. C'est lui qui nous envoie justement ces deux femmes qui viennent de très loin pour nous. La nuit s'épaissit et annonce l'heure tardive. Mais sous une unique ampoule et dans une cabane sans mur, un cercle d'enfants et de femmes entoure un homme aux allures de Red Charles, l'oncle aveugle, le seul homme. Il est celui qui connaît les contes et les histoires, qui invite au sommeil et à envisager l'avenir. Ok. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois l'histoire de la chèvre et du tigre. La chèvre vivait dans un carbet comme celui-ci, mais elle s'ennuyait dur et ne voulait plus vivre dans son village. Elle décida de prendre ses clics et ses claques et de partir vivre loin dans la forêt. Ok. da wakawa langa pasi we chamindri busha pe sumano de. Elle emprunta un long chemin et décida de s'installer au cœur de la forêt. Là, au moins, elle serait tranquille. Ok. La chèvre partit couper du bois pour construire sa maison et en laissa la moitié pour le lendemain. Et le lendemain matin, tout le bois était coupé. Elle commença alors à bâtir sa maison et s'arrêta à la nuit tombée. Et le lendemain, toute la maison était construite. La chèvre eut une idée. Ne connaissant pas la personne qui l'aidait, elle construisit deux chambres plutôt qu'une. Le jour de son déménagement, elle entra dans sa maison. Quelqu'un ronflait fort dans l'une des chambres. La chèvre dit, « Qui est là ?»« C'est moi, le tigre. »« C'est donc toi qui m'as aidé tout ce temps ? Vas-tu vivre avec moi ?» Et le tigre lui répond, « Pourquoi ? As-tu peur ?» Le lendemain, au petit matin, le tigre partit chasser. À son retour, le tigre demanda, « Chèvre, es-tu là ? J'ai ramené ta part. » Et il lui montra une chèvre. La petite chèvre lui répondit, « Mais je ne mange pas de chèvre. » Au petit matin, la chèvre partit chasser. Elle court. Car elle avait très peur du tigre. Mais au bout du chemin, elle se trouve face à un énorme tigre, plus gros encore que celui qu'elle avait laissé. Où vas-tu comme ça ? Lui dit l'énorme tigre. Je fuis la tornade qui arrive, lui répondit la chèvre. Tous les animaux risquent de périr. Si tu ne veux pas mourir, trouve quelqu'un pour t'attacher fermement les quatre pattes à un arbre. Le tigre accepta aussitôt et il lui demanda de serrer plus fort encore la corde que la chèvre lui glissait autour des pattes. Serre fort ! Fort. Puis la chèvre prit un bâton et le frappa si fort qu'elle le tua d'un coup. Revenue à sa première maison dans les bois, le premier tigre lui demanda « Bonne chasse ?»« Oui, j'ai ramené du tigre. Viens chercher ta part. » On apprend à être malin dans ce conte. Je trouve que pour les Noirs marrons, la ruse était importante. Ça permettait de développer plusieurs choses. Par exemple, ma mère n'a jamais été scolarisée, mais elle faisait quand même accoucher des femmes dans le village. Par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, la petite fille a marché sur un clou et avec les moyens que nous avons, par exemple, la grand-mère est arrivée, elle lui a mis du pétrole sur la plaie. On a mis le pied après dans de l'eau chaude avec du sel et maintenant elle se porte bien parce qu'on est sur une île qui est assez éloigné de Saint-Laurent, donc il n'y a aucun moyen. À quoi ça sert alors l'école maintenant ? Il est important maintenant que les enfants soient scolarisés parce que tout évolue. Si l'enfant doit faire des démarches auprès des administrations, il faut qu'elle sache un minimum de ce qu'on apprend. Et avec la nouvelle technologie, on fait qu'évoluer. Est-ce qu'on peut apprendre la bâtie et aussi apprendre la technologie ? Est-ce qu'on peut apprendre les deux ? Oui, c'est bien. Ah bon ? C'est bien que l'enfant sache planter, faire de la bâtie, parce que si jamais l'enfant ne réussit pas à l'école, il faudra que l'enfant puisse se débrouiller plus tard quand même. À quelle heure passe la pirogue demain? À 5h30. Piki wani bobo, bobo de fadini. Piki wani bobo, bobo de fadini. Elle fait boire le sein, mais il n'a pas de sein à boire. Il est 5h30, nous sommes sur l'île Portal. Il fait encore nuit, nous entendons le bruit des générateurs car sur l'île il n'y a pas d'électricité et la pirogue attend les enfants. Qu'est-ce que vous portez sur vous les enfants? J'ai un gilet sur moi avant de monter dans la pirogue. Nous prenons la pirogue à 5h du matin. La pirogue fait le tour de l'île parce qu'il y a plusieurs villages. Il récupère les écoliers dans chaque village. Il arrive jusqu'à Saint-Jean où il nous dépose. Et là, nous prenons le car scolaire qui nous emmène jusqu'à Saint-Laurent, à l'école. Tous les matins, il faut réveiller les enfants. On fait à 4h45 et après, les enfants à 5h. Qu'est-ce qu'elle va trouver à l'école, Priscilla? Priscilla, en fait, au retour de l'école, elle fait la maîtresse à la maison. Elle a un tableau, elle assied tous ses cousins, petites sœurs, etc. Et elle leur apprend des choses qu'elle apprend à l'école. Et elle les coiffe, voilà. Au revoir les enfants, à plus tard. Pour une seule identité, mais dans la veine nous marcherons sur le chemin de l'amitié. C'est que l'on partage entre amis pour la vie. Moussagouti créole, les mots calés, l'école. Nous ensemble qu'à jouer, nous mélanger. Minamambouchi nengue, temi ego na chiko. De ma candidat, huipé, mokshi, a même dit sang qui a coulé, un ami choc, le quel amour, a même dit sang qui a coulé, et nous carré, nous caplairé, au sous Brésil, et quand vous vous passez là, vous vous tout la vie. En Guyane, nous sommes toutes les couleurs. Nous sommes mélangés pour une seule identité. Mais dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'amitié. C'est qu'un leur partage entre amis pour la vie. J'ai été une petite fille aussi qui qui se levait très tôt le matin, parce que moi j'habitais dans un village à 16 km d'ici, à Saint-Jean. Donc on était levé très tôt, on avait la maman qui est toujours là, parce que les mamans se lèvent tôt aussi, parce qu'elles partent travailler dans les abatis très tôt, donc ça ne les dérangeait pas. Elles nous préparaient notre sac, enfin ce qu'on avait, le peu de matériel qu'on avait. Elles nous confiaient à un autre adulte. Pendant ce temps-là, elle partait, elle prenait la pirogue à pagaie et elle partait travailler dans les abatis. Ces petites filles, elles sont courageuses. C'est pas vraiment du courage. C'est une habitude qui s'installe. Et quand on est une petite fille, c'est vrai que l'école, ça plaît. Quand on est une petite fille, on aime l'école. C'est quelque chose c'est autre chose que ce que l'on vit dans le village. Ce sont d'autres couleurs, ce sont d'autres adultes, ce sont d'autres odeurs. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie. On a envie de découvrir, qu'on a envie d'y aller. Donc c'est pas vraiment du courage. Moi je dirais que c'est de la motivation. Très bien. Attendez pas, parce que vous avez chanté les premiers bouquets. On n'a pas longtemps qu'on l'a. C'est très bien les enfants. Je suis fière de vous. Un jour la troquant pas. Oui, alors, c'est la petite chanson de l'alphabet pour Maxime. Maxime, il faudra bien écouter, d'accord? Ça va t'aider. Jérémy, tu es prêt? On va aider Maxime? On y va. 1, 2, 3. Un jour, la troupe en part. Ah, ah, ah. La puissance a tombé. L'orage a tout cassé. Fallait nous y demander. A, B, C, D. Est-ce que quelquefois c'est un peu un arrachement quand même de sortir de la famille pour partir un peu loin? Ça dépend de l'âge de l'enfant. En général, ici, on scolarise les enfants à l'âge de 3 ans. Et à 3 ans, on est beaucoup trop jeune pour quitter les parents. Et je pense que c'est pas seulement dû aux enfants bouchinés. Parce qu'on ne sait pas vers où on nous conduit et on ne sait pas qui va nous accueillir. Quand on scolarise un enfant bouchinégué, c'est comme si on lui imposait un deuxième sevrage. Ça marque à ce point-là. Mais les familles, on s'en conscientes. Les familles font ce qu'il faut pour que l'enfant puisse... Parce que quand on s'apprête à sevrer un enfant, il y a toujours une petite cérémonie qui va accompagner l'enfant. Donc on est assez rituel dans ce genre de choses. Donc on met en place ce qu'il faut pour aider l'enfant à traverser ça. Pour vous, les enfants ici sont assez matures. Je ne sais pas si mes collègues et moi pensons à la même chose, parce que ce qu'ils appellent être mature, c'est être mature pour rentrer dans les apprentissages. Alors, moi, je parle de la maturité, c'est la capacité, je veux dire la résistance que l'enfant peut avoir à quitter sa famille et se faire adopter par un autre monde. C'est ça. Parce que si on n'a pas réussi à faire ce grand pas-là, on ne sera jamais à l'aise à l'école. Je te l'offre, ma reine. Avec du jus de coco. Oh, oh, oh, cela va t'occuper. M-N-O-P. Si un enfant échoue à l'école, ce n'est vraiment pas dramatique pour la famille. Puisque aller à l'école ne signifie pas qu'on ne continue pas notre propre éducation au sein de la famille. Vraiment, ça ne nous enlève rien. Donc, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est stigmatiser. Et c'est ce que je déplore. C'est quand on commence à stigmatiser une ethnie parce qu'un enfant s'est mal comporté, parce que... Et ça, c'est dommage. Parce que c'est vraiment dommage. Parce que moi, en tant qu'adulte, je le ressens. Alors, imaginez un peu l'enfant qui est dans la classe. Parce que, vous savez, un enfant, on lui dit une chose aujourd'hui, on a l'impression que ça ne le marque pas. Mais ça n'est pas vrai. C'est rangé quelque part dans la mémoire, et tôt ou tard, ça ressort. Et il suffit qu'on aperçoit l'adulte qui nous a dit cette chose qu'on arrange quelque part, il suffit de rien pour que ça revienne, quoi, ça nous revienne. Et on ne sait pas pourquoi l'enfant aura un comportement, je veux dire, qui ne sera pas acceptable vis-à-vis de cet adulte. Il va rejeter cet adulte automatiquement. Automatiquement. Alors moi, je pense que ce sont des maladresses à ne pas commettre. Parce que l'école, c'est vraiment le lieu où tous les enfants devraient vraiment avoir la liberté d'expression, de se sentir bien, d'être chez soi. C'est vraiment le lieu, ça doit être vraiment le lieu où tout le monde devait apprendre à vivre ensemble, quoi. C'est la moindre des choses, je pense. Tu mens. Oui. Moi, ce que je sais, c'est que dans l'école, je suis la meilleure. Mais ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas l'amitié, ni la richesse, ni de travailler bien, mais de savoir que même si je n'en réussis pas, faire des efforts, c'est mon truc. Travailler, c'est comme m'amuser. Même si je parle trop, je sais que mes amis, ce sont mes amis. Et travailler, c'est le plus bon chose que j'aimerais faire de toute ma vie. C'est la vie, hein. C'est comme si tu t'amusais avec tes propres parents, parce que la maîtresse, c'est comme mes parents pour moi. Ça repose à quelque chose comme l'amour pour moi. When I was just a little girl. Êtes-vous prêts, les enfants? When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? That's what you said to me. Que sera, sera, whatever we be, the future's the love to see. Que sera, sera, what we be. L'école au gré des langues. Merci à Bernard Racanière, directeur de l'école Saint-Émilien. À Jean et Karina, médiateurs de langue. À Sophie Forêt. Merci à la chercheuse Isabelle L'Église et à l'Institut de Recherche et de Développement, l'IRD. Merci au soutien d'Air Caraïbes. Attachée d'émission Christine Gage et Eve Etienne, coordination Irène Omelianenko. Prise de son Marcos Darras. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Nejma Boikra et Diffie Mariani pour Sur les Docs. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez enseigner en Guyane, bibliographie, lien, nous podcaster pour la pirogue ou nous réécouter en classe, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et ce week-end, retrouvez tout France Culture au festival Imagine, organisé au Centre Pompidou, débat, masterclass et documentaires sur scène. Mais demain, dans LSD, toujours la Guyane, troisième étape, un fleuve en partage.